C'est la chronique, mon pote. FLM fout la merde. Mesta à la prod. Benny, ouais. Ah gros, j'sais même plus ce que je devrais dire, tellement j'en ai dans le ventre. Y'a pas de soirée dansante que des mensonges, j'ai marculé dans le sang. J'ai brisé des chaînes, cassé des portes, mais je me sens seul dans le fond. J'avance, je m'enfonce, pas de rédemption, ma haine en détention. M'a dit que la vie est un combat, que la force de perdre sa tâche, hein. Qu'on trouve sa place, on pète la forma, quand on pète ta tâche. J'ai donné mon cœur, le fond de mes tripes, allongé dans ses draps. Vu que le con s'étra, un trou dans le dos, étouffé dans ses bras, non. Y'aura plus de festin, pourquoi les hommes se détestent, hein. De casser, peu de sieste, là ça pue trop le gaz dans le testo. Rincé, de penser son sa mère, un trou noir gratte le ciel. Faut pas s'en faire, faut pas que je cède, mais là j'ai grave le seum. On s'aime en morse, on se cogne ou on saigne en mots. En c'est en nom, on récolte ce que l'on s'aime en mort. Tout à perdre, beaucoup à faire, une dernière danse. Me passer, n'est pas les reins, c'est pas la fin. J'ai bien vu devant ma porte, c'est le temps balayera. La nuit je dérape, hein, où t'étais toi quand je voyais le doute toquer. Y'a trop de tocards, une balle à blanc, mon dernier coup de poker. Tous vacarne, et un dealer, ce que peut nous stresser, bien tout tracas. Je pleure en silence, mais t'inquiète, tout va bien. Flic, flac, j'hésite entre oxygène, vapeur. Là, j'sais même plus si j'ai peur d'aimer ou si j'aime la peur. On a grandi trop vite, la photo sang froid du nord. J'viens de là où sanglot remplace la bonne humeur. Sombre, des centaines dans les ronds, c'est fait les fous la merde. Défoncé dans les rangs pour tous les frères, ceux qui rendent fou la mort. Monte, j't'emmène bien voir la ville après, loin de ville à trêve. Écorché dans les cœurs, sauté dans le vide, on est tous sous la barre. Sombre, des centaines dans les ronds, c'est fait les fous la merde. Défoncé dans les rangs pour tous les frères, ceux qui rendent fou la mort. Monte, j't'emmène bien voir la ville après, loin de ville à trêve. Écorché dans les cœurs, sauté dans le vide, on est tous sous la barre.